Toi tu cherches un boulot qui puisse t'offrir un soir le bonheur d'un resto, le plaisir d'un plumard. Une fille tellement craquante que tu pourrais craquer cette allumette lente, cette bougie cet été. Un coin de bonheur c'est facile, même sur le béton de la ville. Mais suffit pas de rêver qu'un peu. Un bout de paradis sur la terre, même sur les croix des cimetières. Mais suffit pas de prier les dieux. Faut suivre sous les robes les tissus de tendresse, les dentelles qui flottent au drapeau des caresses. Mieux vaut dormir crevé et s'éroder les doigts sur la rosée des filles qui matinent avec toi. Un coin de bonheur c'est facile, même sur le béton de la ville. Mais suffit pas de rêver qu'un peu. Non, non, non, non, non. Un bout de paradis sur la terre, même sur les croix des cimetières. Mais suffit pas de prier les dieux. Faut pas pleurer des yeux, ni grincer des phalanges. T'as pas besoin de bon Dieu, t'as pas besoin des anges. Suffit de s'ouvrir un peu sur les sourires qui tracent des fresques merveilleuses au plafond des impasses. Un coin de bonheur c'est facile, même sur le béton de la ville. Mais suffit pas de rêver qu'un peu. Non, non, non, non, non. Un bout de paradis sur la terre, même sur les croix des cimetières. Mais suffit pas de prier les dieux. T'as trouvé un toit et c'est enfin dimanche. Un petit job sympa, la voilà ta revanche. Et puis une demoiselle qui veut te rendre heureux. Enfin tu as le droit de faire pleurer tes yeux. Un coin de bonheur c'est facile, même sur le béton de la ville. Mais suffit pas de rêver qu'un peu. Non, non, non, non, non. Un bout de paradis sur la terre, même sur les croix des cimetières. Mais suffit pas de prier les dieux. Non, non, non, non. Un coin de bonheur c'est fragile, même sur le béton de la ville. Mais suffit pas de rêver qu'un peu. Non, non, non, non, non. Un bout de paradis dans l'enfer, même sur les croix de toutes les guerres. Mais suffit pas de prier les dieux.